Le système Ribadier, comédie en trois actes de Georges Feydeau. Un salon au rez-de-chaussée. Porte au fond donnant sur le vestibule, porte à gauche et à droite au premier plan. Une grande fenêtre au fond à droite. Une cheminée en pan coupé à gauche surmontée d'un grand portrait en pied de feu Robineau. Au milieu, une table recouverte d'un tapis. Un fauteuil à gauche de la table et une chaise à droite. Un canapé à gauche, un autre canapé devant la cheminée. Acte 1. Au lever de rideau, la fenêtre du fond est ouverte. Sophie et Gusman sont à la fenêtre. Sophie à l'intérieur et Gusman à l'extérieur. Ils se tiennent embrassés comme deux amoureux. Un tout petit, Sophie. Mais non, voyons. Oh, tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux. Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie, la vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Allons, Gusman. C'est pas le moment, je viens de servir le café aux bourgeois. Ils peuvent sortir de table et nous surprendre, finissez. Eh bien, qu'ils nous surprennent. Merci, ils nous flanqueraient à la porte. Allons, filez. Voilà une bouteille de vin et une moitié d'un pâté que j'ai sauvé du dîner. Pour qu'il vous en reste du pâté, je ne l'ai pas repassé. Ah, voilà comment je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand te verrai-je ? Eh bien, ce soir, si vous voulez. Ce soir ? Les bourgeois ne sortent donc pas ? Non, vous n'aurez pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous passerez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entr'ouverte. Et vous monterez jusqu'à ma chambre. Mais en tout bien, tout honneur. Naturellement. Ils viennent, déguerpissés. Angèle et Ribadier entrent une tasse de café à la main. Ah tiens, laisse-moi, tu m'ennuies. Oui, eh bien moi, je désire que cela ne se renouvelle pas. Des équipés pareils. Tu désires ? Vraiment ? Parfaitement. Laissez-nous, Sophie. Oui, monsieur. Oh oh, il y a un grain. Non, ma parole d'honneur, je crois que tu as eu un accès de folie aujourd'hui. C'est insensé, toi, une femme comme il faut, venir faire cet esclandre en plein conseil d'administration. Qu'est-ce qui me prouvait que tu étais en conseil d'administration ? Mais comment ce qui te prouvait ? Je t'avais dit, je vais à la réunion du conseil d'administration du chemin de fer du Nord. C'était clair, il me semble. Mais non, ça ne suffit pas à madame, il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance que, tout à coup, une trombe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie au milieu de tous les membres effarés. « Ah, nous allons donc le voir, ce fameux conseil !»« Eh bien après, ils n'en sont pas morts tous ces messieurs, je suppose !»« Comment ? Mais tu t'es rendu absolument ridicule ! Et moi avec ?»« Oh, toi ?»« Oh, je sais bien que ça t'est égal !» Mais ça n'empêche pas que j'exige que ça ne se représente plus. En te voyant là, ma parole, je ne savais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild, tu n'as pas vu la figure qu'il faisait, monsieur de Rothschild. Il ne m'a pas mâché, va, quand tu as été parti. Vous aurez la bonté, mon cher collègue, m'a-t-il dit, d'avertir madame Ribadier, pour l'avenir, que nos réunions sont privées. Voilà ce que tu m'as attiré. Et qu'est-ce que tu voulais que je réponde ? Ah ! « Naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. »« Mais non, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. »« Vous avez dit ça ?»« Oh, mais j'ai assuré que le médecin me répondait de ta guérison. »« Charmant !»« Dame, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place ?»« Ce que j'aurais dit ? Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. » « Allons !»« Mais parfaitement, parce que je n'y ai jamais cru un instant, vous savez, à votre conseil d'administration. »« Mais enfin, voyons, tu nous as bien vus, cependant. »« Je vous ai vu, je vous ai vu là, entre hommes, c'est évident. Mais qu'est-ce que ça prouve ?

Non, va. Tu ne m'aimes plus autant. Mais si, mais si. Seulement, ces discussions continuelles, qu'est-ce que tu veux? Ça fatigue la tendresse. C'est logique, quoi. Toute expansion de quelque ordre qu'elle soit exige une dépense nerveuse. Eh bien, étant donné que nous n'avons qu'un certain capital quotidien, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe. Je me repose. Il faut croire que je suis plus riche que toi? C'est possible, mais moi je suis comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. S'il achète dans sa journée pour 20 francs de poils à gratter, il aura beau faire, il n'aura plus le sou quand il voudra se payer à dîner. Il pourra aller dîner en ville. Ah oui. Je ne veux pas, moi, que tu ailles dîner en ville. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux que tu ne dînes qu'avec moi. Oui, là, oui. Seulement, arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. C'est entendu. Là. Alors, je t'embrasse. Tu m'embrasses. Là, et ne recommençons plus. C'est promis. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant. Sophie entre. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Rien, monsieur. Ah, bon. Qu'est-ce que vous voulez, Sophie? C'est une dépêche pour monsieur, madame. Eh bien, donnez-la à monsieur. Comme madame m'avait ordonné. C'est bien, j'ai changé d'avis. Angèle sort. Eh bien, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Pour moi? Une dépêche pour moi? Fonds égyptiens en baisse. Ah, ce n'est rien. Ouf, j'ai eu peur. Ah, ça, mademoiselle, comment se fait-il que vous remettiez à madame les dépêches qui me sont adressées? C'est que, monsieur, je ne sais comment dire à monsieur, j'ai promis à madame, madame m'a ordonné. Hein? Ah, parfait! Elle vous a peut-être aussi donné de l'argent pour ça. Hein? Monsieur sait? Quoi, c'est vrai? Oh, sans cela, monsieur. Et combien, madame, vous a-t-elle donné? 20 francs, monsieur. Vous n'avez pas honte d'agir de la sorte? Non, mais dans quelle maison avez-vous vu une domestique recevoir de l'argent pour... C'est honteux. Tenez, voilà 30 francs. Hein? Vous rendrez à madame ces 20 francs et, à l'avenir, vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible quand madame ne sera pas là. Ah, mais comme ça, monsieur, très bien. Oui, c'est bon, allez. C'est entendu, monsieur. Si même monsieur voulait aller jusqu'à 40 francs, je lui remettrai les lettres de madame. Hein? Voulez-vous? Allons, on sonne. Allez ouvrir. Oui, monsieur. Si c'est pour moi, vous prierez d'attendre. J'ai une dépêche à écrire. Allez! C'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu tomber telle ou telle lettre entre les mains de ma femme. Ah, c'est bien heureux. Sophie est homme heureux. Entrez, monsieur. Dieu, quelle émotion! C'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Allez prévenir votre maîtresse. Et qui annoncerai-je à madame? Aristide Tomereux. Ou plutôt, non, annoncez un ami retour de Batavia. De Batavia? Ça doit être loin, ça. C'est de l'autre côté de l'eau. C'est bien ce que je disais. Et dites-moi, ma fille, alors c'est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus, ce pauvre Robineau. Monsieur Robineau? Ah, voilà 2 ans. Oh oui, 2 ans. Et l'on dit que le temps efface le chagrin. Pauvre ami, il y a 2 ans et je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Hein, depuis un quart d'heure. En descendant du chemin de fer, j'ai couru à l'ancienne demeure des Robineaux. Là, on m'a appris la perte de mon ami. Un ami que j'aimais comme un frère. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Ah, ça a été un coup pour moi. Ah. Ah. Et ici, alors? Ici? Oh bien, on y est habitué. Ah, le voilà, tel que je l'ai connu. C'est bien lui, embelli, mais bien lui. Je vais prévenir madame. Oui, allez. Sophie sort. Tomereux reste seul un instant. Il s'adresse au portrait de feu Robineau. Puis Angèle le rejoint. Mon pauvre ami, je vais donc pouvoir épouser ta femme maintenant. Je vais pouvoir prendre ta place, sans te faire une saleté. J'aurais pu l'occuper de ton vivant, peut-être.

Oui. Oui. Lui, si plein de santé, quand on pense que... Je ne suis pas dans la note. Et te voilà définitivement à Paris. Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Oh, si. Comment, si? En voilà une idée. J'ai prouvé en arrivant une telle déception que... ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'en aller. Allons donc, des déceptions. En voilà des raisons. Quelque histoire de femme. Une infidélité qui t'aura oublié. Oh, elle n'a jamais rien été pour moi. Eh bien alors, il n'y a rien de perdu. Attends, ton tour viendra. Je te le promets. Mais ça ne dépend pas de toi. Ah, c'est dommage, ce serait fait. Oh, brave ami, va. Les maris ont quelquefois l'à-propos malheureux. En attendant, nous te gardons. Où sont tes bagages? Mes bagages? Ah, mais à l'hôtel de France et des bains où je suis descendu. C'est bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. Hein? J'ai tout un pavillon à ta disposition dans le jardin. Eh, je ne souffrirai pas. Laisse donc. Il est fou de l'installer. Mais tu n'y penses pas, mon ami. Il n'est pas habitable. Mais si, pour lui, ça n'a pas d'importance. T'homme heureux, voilà ce qu'il y a. Il est plein de cancrelats. Ah. C'est ce qui m'empêche de le louer. Parce que, n'est-ce pas, pour des étrangers... Mais pour un ami, c'est tout ce qu'il faut. Ça t'est bien égal, n'est-ce pas? Ce n'est pas des pauvres cancrelats parisiens qui feront reculer un homme qui vient de Batavia. Oh là là, mais à Batavia, quand nous avons des cancrelats, ce sont des scorpions. Des scorpions? Des scorpions? Qui ont même 30 cm de long, s'il vous plaît. Ainsi, ils voient. Ils font chambre commune avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre? Oh, quelle horreur! C'est-à-dire qu'il va se croire entouré de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon. Mais non, je t'assure, ce serait indiscret. Mais du tout. Je ne peux pas songer à le louer tant qu'il sera dans cet état. Aussi, c'est de bon cœur. Allons, je vais donner des ordres. Je t'assure, Eugène. Si. Ribadier sort. Angèle et Tom Heureux restent seuls. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribadier. Vous avez raison. Et je vous prie même de ne pas l'accepter. Mais pourquoi? Parce qu'après tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, après vos aveux à mots couverts, là, devant mon mari, après ce qui s'est passé entre nous, enfin... Mais il ne s'est jamais rien passé. Justement, s'il s'était passé quelque chose, ce qui est fait est fait. Il n'y aurait plus qu'à laisser courir. Mais puisqu'il n'y a rien, que nous avons pu sortir intacts l'un et l'autre d'un moment de défaillance... Je fais allusion au jour d'orage, vous savez. Oh oui, j'ai vu blond. Oh, ce jour-là, la femme est pleine de contradictions. J'aimais pourtant Robineau, alors, mais l'égarement. Heureusement que vous avez déserté au moment psychologique. J'aimais Robineau comme un frère. C'est votre timidité qui m'a sauvée. Que de regrets. Aussi, maintenant il est inutile que nous continuions à vivre l'un près de l'autre. De ce contact de chaque jour, il ne pourrait résulter qu'une contrainte pour moi, qu'une exaspération de vos sentiments pour vous. Ainsi, parce que vous avez épousé Ribadier au lieu de m'attendre, quand vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne, que je m'exile. Non seulement la femme ne peut être à moi, mais il m'est même interdit de la voir. C'est pour votre bien. Dites que c'est pour le bien de Ribadier. Voilà l'homme à qui je suis obligé de me sacrifier. Mais enfin, vous l'aimiez donc, que vous l'avez épousé? Pas plus que ça. Eh bien alors, pourquoi? Je ne pouvais pas rester veuve. C'est une position fausse, une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Oh! Ajoutez à cela son nom. Ribadier. Ah bien, si c'est pour s'appeler Ribadier... Ça y est pour beaucoup. Ribadier, Robineau, même initial. Pas besoin de faire démarquer mon linge, ni mon argenterie. C'est ça, un mariage d'économie. Je connaissais le mariage d'amour, le mariage de raison, mais ce mariage-là, non. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches ou qu'il porte bien la toilette, je le comprends encore. Mais que ce soit pour ne pas démarquer son linge, ah non, ça me dépasse. Voyons, calmez-vous. Mais j'aurais payé le démarquage, moi, j'aurais payé le démarquage. Mais puisque je l'aime maintenant, tout est pour le mieux.

dans sa tête.